Chapitre 6. Pierre Mauclerc, Jean Leroux, Jean II, Arthur II, Jean III. 1214-1347. Pierre Mauclerc, le prince le plus habile de son siècle, mais d'un esprit inquiet et turbulent, se proposa d'abord de régner sur la Bretagne avec une autorité absolue. Son surnom lui vint de ce qu'après avoir été destiné à la cléricature et avoir longtemps étudié dans les écoles de Paris, il avait pris le parti des armes tout en conservant un talent remarquable pour la dialectique. Mauclerc veut dire, selon quelques auteurs, « méchant clair ». Et suivant d'autres, à l'avis desquels nous croyons devoir nous ranger, grand clerc, magnus clericus, clergy et littérature, clerc et écolier étaient des termes équivalents pendant tout le Moyen-Âge. Pierre n'avait pas tardé à se distinguer dans la carrière militaire. Philippe Auguste l'avait armé chevalier, et le nouveau duc montrait autant de finesse et de talent que de bravoure. La guerre occupa ses premiers moments. Il se ligua contre Jean Santerre avec Philippe Auguste, qui ne pouvait pardonner au monarque anglais la mort d'Arthur et le massacre de 180 nobles enfants donnés en otage par les villes du Poitou. À la tête de 700 chevaliers, Pierre combattit les Anglais à Dam. Apprenant que le roi d'Angleterre allait passer avec une armée en Bretagne, où il se proposait de faire une incursion, il s'empressa de rentrer dans ses états et arriva à temps pour empêcher l'ennemi de s'emparer de Nantes. Déconcerté dans ses projets dévastateurs, Jean Santerre se hâta de quitter un pays si vigoureusement défendu. De retour dans son duché, Pierre se fit rendre compte de l'état des revenus publics et de l'administration civile et judiciaire de ses états. Beaucoup plus instruit que la plupart des princes de son temps qui savaient à peine lire, il fixa son attention sur les abus les plus invétérés et les plus criants qui désolaient la législation de ce temps. Il se promit de porter un prompt remède à tant de maux et d'abolir les coutumes cruelles qui entachaient les mœurs de son époque. Jean Santerre mourut en 1216. Objet de l'exécration des Anglais, des Français et des Bretons, il était depuis plusieurs jours en proie à une fièvre maligne lorsqu'au passage de Crosscase, il vit emporter par la marée montante les chariots qui contenaient ses joyaux, sa couronne et ses trésors. La douleur que cette perte causa à son avarice fut telle qu'il expira 3 jours après. On inhuma son corps près des reliques de Saint Wolstan dans l'abbaye de Worcester. Les anciennes chroniques assurent qu'après la cérémonie funèbre et quand les religieux furent rentrés dans leurs cellules, un mystère horrible s'accomplit sur la tombe du roi meurtrier de son neveu. À minuit, on entendit un cri terrible et tel qu'aucun homme n'en avait jamais entendu. Les ombres des nombreuses victimes de Jean Santerre entouraient le cercueil de leur assassin qui laissait échapper cette effrayante plainte. « Je suis Jean, naguère souverain, naguère roi de la vieille Angleterre. Tous les innocents à qui j'ai donné la mort se sont réunis pour me tourmenter. Mais aucun supplice n'égale celui que me fait éprouver le voisinage d'un ami de Dieu de Saint Wolstan. Enlevez mes os de ce temple saint, jetez-les dans le lieu le plus vil. Je suis condamné par le juste jugement de Dieu. » Le lendemain, le corps de Jean Santerre fut transporté dans un champ qui, depuis lors, s'est refusé à toute culture et est toujours resté stérile. En 1218, Pierre Mauclerc perdit sa femme, la duchesse Alix, dont il avait 3 enfants, Jean dit Leroux, qui lui succéda, Arthur, mort dans sa jeunesse, et Yolande, que le comte de la Marche épousa quelques années après. Mauclerc, qui ne devait conserver le gouvernement que jusqu'à la majorité de son fils héritier du duché de Bretagne du chef de sa mère, entreprit dans l'intérêt de ce fils et d'une meilleure administration de ressaisir les droits royaux que quelques grands avaient usurpés. Mais les réclamations de Pierre furent vaines. Non seulement ses seigneurs refusèrent toute enquête, mais ils prirent les armes et une guerre s'engagea qui devait décider en faveur de l'injustice ou du bon droit. Pierre vit bientôt accourir en foule sous ses drapeaux le peuple qu'il aimait et il fut sur le champ en état de combattre les rebelles. La victoire en effet lui resta dès la première bataille, qui fut sanglante pour les deux parties. Toujours disposé à favoriser le peuple, le duc de Bretagne accorda de grandes franchises aux paysans qui se fixaient sur ses terres et aux marchands qui voulaient y trafiquer, comme des exemptions de péages et d'amendes en diverses circonstances, le droit de pâture dans ses forêts, l'usage du bois mort, etc. Les avantages qui résultèrent de cette manière d'agir furent aussi marqués que la plupart des seigneurs en firent autant sur leurs terres et cessèrent de mettre les voyageurs à contribution. Un seigneur angevin, Thibaut Crespin, avait sur les bords de la Loire la forteresse de Château-Saut. Il ne passait personne sur la rivière qui ne fût arrêté par ses hommes, rançonnés et souvent totalement dépouillés. Les récits les moins exagérés portaient le nombre des victimes de sa cupidité à 1500. Pierre lui fit signifier de cesser ses brigandages. Crespin se moqua d'un tel ordre, mais Pierre l'assiégea dans son repaire, le prit et le jeta dans la prison même où depuis 15 ans il avait successivement laissé mourir tant d'hommes inoffensifs. Après une longue détention et la confiscation de ses biens, le noble pillard fut banni pour toujours du territoire de la Bretagne et de l'Anjou. Pierre Mauclerc, voyant que le plus grand nombre des seigneurs approuvait sa conduite envers les paysans, les convoqua à une assemblée générale afin de faire ratifier ses réformes et de les sauvegarder des atteintes de ses successeurs. Après avoir réglé toutes choses pour le mieux et pour le plus grand bien de ses peuples, le duc de Bretagne accompagna le roi de France Louis VIII dans la seconde croisade qu'il venait de proclamer contre les Albigeois. Après 40 jours de service, Pierre quitta l'armée royale et suivit Thibaut, comte de Champagne, qui avait le premier quitté l'étendard de Louis VIII. La guerre contre les Albigeois fut fatale à leurs ennemis, tant par la perte d'hommes que divers combats leur occasionnèrent qu'à cause d'une épidémie qui sévit avec fureur contre l'armée de Louis VIII et dont lui-même mourut à Montpellier. La calomnie attribua sa mort au poison. Louis IX ou Saint-Louis, son fils, qui lui succéda, n'avait alors que 12 ans. Sa mère, Blanche de Castille, nommée régente de France, déploya un caractère plein d'énergie et des talents supérieurs dès son avènement à l'autorité. La première démarche que fit la reine-mère fut de rassembler autant de troupes qu'il lui fut possible et de conduire son fils à Reims pour l'y faire sacrer. Tous les seigneurs du royaume avaient été invités à cette auguste cérémonie, mais la plupart refusèrent de s'y trouver. Les principaux de ces grands de l'État étaient le duc de Bretagne, le duc de Bourgogne, les comtes de Champagne et de la Marche, le comte de Bar, le comte de Saint-Pol et d'autres. Ils formèrent tous une ligue formidable contre la régente. Ils répandirent le bruit qu'elle avait manifesté, l'intention d'éloigner de l'intimité du roi les princes et seigneurs de son sang, et qu'elle livrait à la politique espagnole et le gouvernement de la France et les volontés de son fils. Ils avaient favorisé l'entrée dans La Rochelle de Richard, frère du roi d'Angleterre. Blanche, à cette nouvelle, conduisit son fils à Tours et s'avança même jusqu'à Loudun. Savary de Mauléon, Mauclerc et Thibaut se réunirent à la carrière de Curtroy et restèrent 20 jours en conférence. Blanche n'eut qu'un mot à dire pour ramener le comte de Champagne aux pieds du roi. Puis elle se hâta de dépêcher vers le duc Pierre et de le prier, avec la courtoisie qui lui était naturelle, de venir la visiter. Elle lui envoyait un sauf-conduit. Mauclerc se rendit à Vendôme et l'on y examina ses prétentions. Pour les satisfaire, on crut devoir arrêter le mariage du prince Jean, frère du roi, âgé de 8 ans, avec Yolande, fille du duc de Bretagne. Le roi lui donnait le comté d'Anjou, remettait à Pierre les villes d'Angers, de Beaufort et de Baugé, et lui promettait celle du Mans à la mort de la reine Bérengère. Ces conventions et d'autres qu'il serait trop long d'énumérer furent écrites et signées, mais aucun article n'en fut exécuté. L'année suivante, le duc de Bretagne entra dans la Ligue des barons de France qui, ayant à leur tête le comte de Boulogne, frère du feu roi Louis VIII, demandèrent insolemment à Blanche qu'elle se démît de ses fonctions de régente. Le comte de Champagne était dans le parti de la reine. Pierre conçut le dessein de l'en détacher en lui promettant la main de sa fille Yolande. L'affaire aurait réussi si le roi de France n'eût interposé son autorité pour défendre à Thibault de contracter ce mariage. À cet effet, il lui écrivit la lettre suivante. « Sire Thébaud de Champagne, j'ai entendu que vous avez convenance et promis à prendre à femme la fille du comte Pierre de Bretagne. Pourtant vous mande que, si chère, que vous avez tout tant que amée ou royaume de France, que ne le fassez pas. La raison pourquoi, vous savez bien, je jamais n'ai trouvé pis qui mal m'ait voulu faire que lui. » Le comte se rendit aussitôt, en 1229, auprès du roi et lui découvrit toutes les intrigues du parti des mécontents. Ceux-ci, pour se venger de Thibault, se jetèrent sur la Champagne. Mais le roi marcha en personne à son secours et contraignit ses ennemis de se retirer. Le duc de Bretagne se rendit vers la fin de la même année en Angleterre pour s'entendre avec le roi Henri III, avec lequel il s'était ligué. À son retour, il fut cité par son souverain pour venir rendre compte de sa conduite devant les juges qu'il avait nommés. Pierre représenta que le terme prescrit était trop court et demanda que, selon la coutume du royaume, on lui en assignât un de 40 jours. En même temps, il envoya un mémoire contenant ses sujets de plainte contre le roi et la reine, sa mère. Ses juges, sans avoir égard aux remontrances du duc, le déclarèrent dessaisi de tout ce qu'il tenait du roi en Anjou. Mauclerc, irrité de cette sentence, envoya un chevalier à la cour pour déclarer de sa part qu'il ne se regardait plus comme homme du roi et qu'il le défiait. Le roi d'Angleterre arriva peu de temps après en Bretagne avec une armée. Le duc lui remit toutes les places fortes du pays et engagea une partie de la noblesse à lui rendre hommage. Mais André de Vitré et plusieurs autres seigneurs n'y voulurent jamais consentir. Ils fortifièrent leur château et résolurent de s'opposer de tout leur pouvoir aux Anglais. Henri III, ayant vu que Louis IX, guidé par Blanche, avait déjà pris Belém dans le Perche sur ses ennemis, quitta la partie et Mauclerc chercha à se ménager un troisième accommodement. La prise du château de Belém était un coup décisif et Blanche y acquit une grande réputation de bravoure. La place passait alors pour imprenable, à cause de l'épaisseur de ses murs et surtout de la tour qui défendait le fort. La saison était un autre obstacle. On se trouvait au cœur d'un hiver extrêmement rude. La rigueur du froid faisait périr les hommes et même les chevaux. Blanche, cependant, ne se rebuta point. Elle était en personne au siège, marchait aux côtés du roi son fils, animait le soldat, encourageait l'officier et leur remontrait quelle honte ce leur serait si, le roi à leur tête, ils étaient réduits à lever le siège et à fuir devant un vassal révolté. Pour mieux mettre l'armée à l'abri du froid, elle fit couper une prodigieuse quantité d'arbres, fruitiers ou non, et l'on alluma dans le camp du roi de si grands feux et en si grand nombre que le soldat n'eut plus à se plaindre. Deux assauts violents furent donnés au corps de la place, et l'on brisa les toits du fort avec deux pierriers qui lançaient une grêle de cailloux tellement meurtrière que les assiégés n'étaient en sûreté nulle part. La grosse tour fut enfin abattue, et ses défenseurs se livrèrent au roi et à la reine-mère, à laquelle on peut à juste titre attribuer tout l'honneur de ce siège. Louis IX s'avança ensuite du côté de la Bretagne, assiégea Ancenis, fit déclarer Mauclerc déchu de la tutelle de son fils et de sa fille, et par conséquent de la garde du comté de Bretagne, et dégagea les barons du duc du serment de fidélité. Les Bretons promirent de recevoir dans leur place les troupes du roi et de lui faire hommage de tout ce qu'il tenait du duc, sauf le droit de Jean son fils et d'Yolande sa fille, quand ils auraient atteint l'âge de 21 ans, pourvu qu'ils rendissent au roi l'hommage qu'il lui devait. Le roi d'Angleterre ayant laissé en Bretagne quelques chevaliers anglais et promis au duc de le secourir, repassa la mer. Bientôt après fut conclue une trêve pour 3 ans entre le roi de France d'un côté, le roi d'Angleterre et le duc de Bretagne de l'autre. À son expiration, Henri III envoya en Bretagne vers la Saint-Jean 60 chevaliers et 2000 Gallois. Louis IX, de son côté, s'avança avec 3 corps d'armée et attaqua cette province par 3 endroits. Le duc, épouvanté, demanda une suspension d'armes jusqu'à la Toussaint, promettant que si, dans cet intervalle, le roi d'Angleterre ne venait le secourir en personne, il remettrait son duché entre les mains du roi. La trêve accordée, Pierre laissa 3 places à Louis IX pour sûreté de sa parole et se rendit auprès de Henri III pour solliciter des secours d'hommes et d'argent. Mais Henri lui dit que ce n'était point lui qui avait demandé la trêve, qu'il ne l'avait point ratifiée, que tout l'argent d'Angleterre ne suffirait pas pour garder la Bretagne. Enfin, il lui fit entendre qu'il ne devait guère compter sur son aide. Pierre, mécontent, alla trouver Louis IX à Paris pour faire la paix avec ce monarque. Les Anglais, dans un honteux esprit de vengeance, publièrent que Mauclerc s'était présenté devant le roi Louis et sa mère la corde au cou, qu'il s'était mis à 2 genoux devant le trône, demandant pardon de sa félonie, et que le monarque, le traitant avec le plus grand mépris, lui avait dit « Mauvais traître, encore que tu aies mérité une mort infâme, cependant je te pardonne en considération de la noblesse de ton sang, mais je ne laisserai la Bretagne à ton fils que pour sa vie seulement, et je veux qu'après sa mort les rois de France soient maîtres de la terre. » Louis IX permit à Mauclerc de jouir encore une année du bail de la Bretagne, qui était près d'expirer à cause de la majorité de son fils. Le duc assembla ses états le jour même où Jean venait d'accomplir sa 21e année et déclara solennellement devant les barons, les prélats et les députés des villes qu'il se démettait de son autorité entre les mains de son légitime successeur. Il ne se qualifia désormais que du nom de Pierre de Braine, chevalier. Cependant, par habitude ou par courtoisie, on lui conserva jusqu'à sa mort le titre de comte de Bretagne. Jean se rendit à Paris, où, après avoir fait preuve de son âge en présence du roi, il lui fit hommage de son duché. Ensuite, il retourna en Bretagne, fit son entrée solennelle à Rennes, et reçut des mains de l'évêque dans l'église cathédrale de cette ville la couronne, l'épée et la bannière, marque de la dignité ducale, avec les serments et hommages des prélats et des barons. Le nouveau duc leur promit de les maintenir dans leurs franchises et libertés. Jean Ier avait été surnommé le Roux à cause de la couleur de sa chevelure, mais bientôt on l'appela Jean le Mauvais. Il fut cependant un peu plus modéré que son père, mais il ne se montra ni moins fier ni moins jaloux de son autorité. Son énergie et des succès rapides dans les premières guerres intestines qui inaugurèrent son règne valurent une longue paix à ses sujets. Cependant, la croisade était prêchée depuis plusieurs années. Le pape Grégoire IX rappela aux croisés qu'il était temps d'effectuer leur départ pour la Terre Sainte et nomma Pierre Mauclerc, généralissime de l'armée chrétienne, en lui remettant la disposition des trésors accumulés dans ses mains par la charité des fidèles. Pierre passait pour le premier capitaine du siècle. Il réunit à Lyon les chefs de l'entreprise et se disposait à mettre à la voile quand le nonce du pape ordonna aux croisés de rentrer dans leur foyer. Or, sachiez donc, beau frère de Cornouailles, écrivait Pierre à un de ses parents, qu'étant réconfortés de bons gendarmes, tous gaillards et déhais, ayant blé, vin, avoine et autres pourvéances, et nostre volonté d'affronter à belle aventure les méchants sarrasins, est venu à grand air un féal du saint apostole et ses diacres couverts de beaux ornements d'or. Les barons, chevaliers, écuyers, sébaïssois et tombois à deux genouilles, cuidant que ce fût bénédiction pontificale. Ince le Seigneur nonce, un saint appelle long, se prend à se signer d'un grand signe de croix, et nous tous de cœur fîmes à l'appareil, tirant exemple sur lui et nous confortant d'un tronçon de pâte nôtre. Puis s'en va dire, monsieur le pape a dit, les seigneurs croisés sont gens de bien et vaillants. Or, nouvelles certaines des sarrasinois me sont advenues que, tout à la malheur, l'host des mécréants est accru et grandement doutable. Redoutable. A donc, au lieu d'eux assaillir follement, s'y fait commandement d'attendre et soit retraire en ses châteaux. Et le pourquoi, c'est que l'an qui vient, la trêve à notre cher fils Frédéric sera fort close et éteinte. Et ses chevaliers recueillis seraient en nombre suffisance. Ces lettres, oui, n'eussiez-vous vu sans étonnement, beau frère très cher. Les seigneurs croisés qui, là et toi, se pressent à rencontre, monsieur le nonce, comme mouches impertuis en mielée, et le roi bien totoxy, n'eusse par belle parole agi les prélats et moi-même, qui ne m'épargnait mis et l'emmenait à toute force. Les croisés mécontents se divisèrent, quelques-uns revinrent dans leur domaine, d'autres passèrent en Sicile, ou attendirent à Aigues-Mortes le printemps de l'année suivante. Pierre Mauclerc se croisa avec Thibaut, roi de Navarre, Hugues, duc de Bourgogne, Henri, comte de Bar, et plusieurs autres seigneurs qui se rendirent tous à Ptolémaïs au commencement de 1240 et y élurent pour général de l'armée chrétienne le roi de Navarre. Mauclerc se signala d'abord contre un émir des Sarrasins qu'il mit en fuite après un combat opiniâtre. Il lui enleva le convoi qu'il conduisait et revint au camp chargé d'un butin considérable. Le duc de Bourgogne, le comte de Bar et Amaury de Montfort, piqués d'émulation, voulurent aussi se distinguer par quelque expédition glorieuse. Malgré la défense du général et contre l'avis de Pierre Mauclerc, ils sortirent un soir du camp, suivis d'environ 600 chevaliers. Après avoir chevauché toute la nuit, ils se trouvèrent le matin à la vue de Gaza dans un terrain sablonneux où ils marchaient avec peine. L'ennemi, à leur approche, sortit de la ville et tomba sur eux. Comme ils étaient extrêmement fatigués, ils firent peu de résistance et ne se battirent qu'en retraite. Le comte de Bar, Simon de Clermont, Jean des Barres, Robert Mallet, Richard de Beaumont et un grand nombre d'autres furent tués. Amaury de Montfort fut pris avec plus de 60 chevaliers de distinction et conduit prisonnier à Babylone. Le duc de Bourgogne prit la fuite avec le petit nombre de ceux qui purent échapper. On prétend que les chevaliers du Temple et ceux de Saint-Jean de Jérusalem auraient pu les secourir dans cette occasion et que Saint-Louis, désespéré de la perte irréparable qu'avait éprouvée l'armée chrétienne, fit retirer de leurs mains les sommes qu'il confiait chaque année à leurs soins pour le soulagement des chrétiens. Tandis que Mauclerc s'illustrait en Syrie, Jean Ier, son fils, affermissait sa puissance en abaissant l'autorité de ses barons. Vers 1241 mourut la sœur de l'infortuné Arthur, Éléonore, héritière légitime de la Bretagne. Depuis plus de 40 années, les rois d'Angleterre la retenaient en prison et la faisaient garder à vue par des soldats. Mauclerc se couvrit de gloire à la fameuse bataille de Taillebourg et dans la seconde croisade, dont le mauvais succès résulta de ce qu'on n'avait pas voulu suivre le sage conseil qu'il donnait d'attaquer Alexandrie plutôt que Damiette. Le vaillant comte de Bretagne n'eut pas le bonheur de revoir sa patrie. Il mourut en 1250 en mer, 3 semaines après son départ de la Terre Sainte. Son corps fut apporté en France et Jean Ier ordonna qu'on le conduisit en grande pompe à sa dernière demeure, l'abbaye de Saint-Irède de Brenne, à 4 lieues de Soissons. Ce fut un prince d'un esprit supérieur mais trop infatué de sa puissance et de son habileté. Un ancien auteur dit qu'il surpassa de sens tous les barons de France. On lui reproche d'avoir eu un esprit trop inquiet et d'avoir été ingrat, de mauvaise foi, inconstant et d'une ambition démesurée. Jean Ier s'était croisé en même temps que son père, mais malgré les avis affectueux du pape et les représentations des légats, il n'avait pas quitté son duché. Revenu à des sentiments plus chrétiens, il résolut d'entreprendre le voyage de Rome afin de se faire absoudre de l'excommunication qu'il avait encourue. Le Saint-Père le rétablit dans la communion des fidèles. Rentré dans ses états, après avoir assisté à la 3e croisade, une des plus désastreuses qu'on eût encore vues, Jean réforma les mœurs et l'administration de la justice, abolit des coutumes anciennes que ses conseillers lui signalèrent comme intolérables pour ses sujets et les réduisit à ce que prescrivaient la raison et l'équité. Il châtia sévèrement les hommes nourris dans la licence des guerres, accoutumés à vivre à leurs fantaisies et sans aucun frein à tyranniser le peuple qui leur rendait haine pour haine et souvent se révoltait contre eux. Le duc Jean mourut en 1286. Son épitaphe dit qu'il était robuste et vigoureux, beau et bien fait, prudent et vainqueur de ses ennemis moins par la force de son bras que par celle de son génie, qu'il augmenta ses droits, qu'il maintint la religion, qu'il fut le sévère vengeur du crime, le protecteur des pauvres et du clergé, le pacificateur de sa nation et le dompteur des superbes. Le comte de Richemont, fils de Jean Ier, lui succéda sous le nom de Jean II. Loin d'avoir hérité de la rigidité de son père, non seulement le nouveau duc se montrait affable et gracieux aux personnes de sa cour ou aux nobles à qui leur naissance permettait de l'approcher, mais il étendait sa courtoisie sur les gens du peuple, qui invoquaient sa justice ou sa bienfaisance. Le nom de Jean II fut bientôt dans toutes les bouches, comme il était déjà gravé dans tous les cœurs. On espéra que le bonheur public résulterait en peu d'années de la sagesse de son administration. Son premier soin fut de promulguer d'utiles ordonnances. 2 ans après son couronnement, il convoqua les États de Bretagne et confirma à la noblesse et au peuple les privilèges dont ils jouissaient. La paix, appuyée sur de sages réformes, paraissait devoir durer longtemps en Bretagne sous le gouvernement d'un prince qui commençait si bien son règne, lorsqu'on le vit embrasser tout à coup le parti du roi d'Angleterre en qualité de comte de Richemont. Depuis 2 ans, les marchands français et anglais se poursuivaient à outrance sur les mers. Les marins de Bayonne étaient venus, sans provocation, incendier la ville du Conquet, près de Brest. un matelot normand avait été tué par des Anglais soutenus des Rayonnais, et les Normands avaient pendu par vengeance un marchand de Bayonne fait prisonnier sur un navire anglais. Ces derniers réunirent 80 navires. Les Normands, se voyant menacés, appelèrent les Français à leur aide, et après avoir ravagé les côtes de la Gascogne, se réfugièrent à Saint-Mahé, petit bourg non loin de Brest. C'est là qu'eut lieu un terrible combat naval où périrent 15 000 hommes. Les Anglais furent vainqueurs. Outré d'abord de la perte du Conquet, Jean II s'adressa à Philippe le Bel pour qu'il le vengeât d'Édouard, roi d'Angleterre. Puis, adroitement circonvenu par Édouard, il s'allia à lui contre le roi de France. Le monarque anglais abusa d'une manière cruelle de la confiance de son vassal, en laissant ravager par ses soldats indisciplinés les côtes de Bretagne. Trop tard éclairé, Jean II versa des larmes de regret et abandonna le parti de son perfide suzerain. Il se rendit sur le champ à Paris, où Philippe le Bel, charmé de trouver un pareil auxiliaire, l'accueillit avec honneur et lui témoigna une chaleureuse amitié. Jean accompagna le roi de France en Flandre, partagea ses dangers et contribua à plus d'une victoire. Il lui rendit surtout d'éclatants services au siège de Courtrai. L'armée bretonne était forte de 10 000 hommes, et Jean II ne voulut recevoir aucune indemnité du roi de France pour la solde ou l'entretien de ses troupes. Philippe, qui cherchait à lui exprimer sa reconnaissance, lui proposa de le nommer duc et pair de France. Jean se mit à sourire et lui dit « Grand merci à votre Altesse. C'est marque de courtoisie et tout vient à point de vous. Toutefois, je suis roi dans mon pays, et pour éloigner qui soit, voici beaux gendarmes qui bien en savent parler. Avez vu comment ils se démènent ?»« Oui, dit Philippe, par le chef Saint-Denis, ils sont drus et vaillants. Or, le fait pour moi, il ne sera chose qui vous amène au repentir. » Mon cousin, le duc de Bourgogne, est haut et fier. S'y trouve-t-il à trop grand honneur que soyez à ma droite, et dit que cette affaire à lui qui est duc et pair de France. Vienne le dit duc dans mes états, continua Jean II, je lui baillerai ma droite et sera honoré. Ici, tout près, est suspendu mon écu, à belle hermine et sans brisure. Vienne s'il ose y toucher. Nenni, nenni, fit le roi tout riant. Les soudards de Flandre en au roi moule grande joie, et crie roi Noël, avait son amitié et la mienne comme frère. Encore y a ma cour de parlement, j'en rogues et au regard courroucier, et de par Dieu je ne m'en feins à leur dire, toujours en leurs actes et grimoires mettent-ils compte de Bretagne, et affirment primauté n'appartenir à compte. Or, ne vous en revient ne profit ne dommage. Mais moi, qui tant vous aime, serais-je point délivré de ces tousseux? Auriez-vous à mépris ma prière? A donc soit fait à votre volonté. » Les lettres du duc et pair de France ne tardèrent pas à lui être expédiées. Jean les reçut avec indifférence et ne s'en servit jamais dans ses titres. Les dernières guerres de Flandre n'attirèrent pas le duc de Bretagne, qui permit cependant à ses barons de se joindre à l'armée de Philippe le Bel. Il s'occupa de modifier les anciennes constitutions relatives au maintien de l'ordre, à la distribution de la justice et à l'assiette des impôts. Jean Ier avait déjà mis des bornes à l'avidité des hommes de robe. Son fils interpréta l'acte célèbre connu sous le nom d'Assise du comte Geoffroy, et ses ordonnances s'intitulèrent « Constitution de Jean II ». Les principaux articles avaient de grands rapports avec les établissements de Saint-Louis. Nous y remarquons surtout un point important. C'est que tout individu se trouvant dans une ville, fréquentant la taverne, ne gagnant rien et dépensant beaucoup sans avoir de propriété, devait être repris de justice afin que l'on connût ses moyens d'existence. Le duc, dont la santé commençait à décliner, fit son testament. puis voulant terminer les différends qui, depuis longtemps, divisaient le clergé et la noblesse de Bretagne, il résolut d'aller trouver à Lyon le pape Clément V, qui devait se faire sacrer en cette ville. La cérémonie eut lieu avec la plus grande magnificence. Le roi, le duc d'Anjou et le comte d'Évreux, ses frères et le duc de Bretagne, tinrent tour à tour la bride du cheval du Saint-Père. Comme il approchait des murs de la ville, un pan de muraille à demi ruiné et chargé d'une foule de peuple s'étant écroulé, le duc de Bretagne fut écrasé sous les décombres, d'où on le retira tellement mutilé qu'il ne vécut que 2 à 3 jours. Les Bretons transportèrent le corps de leur souverain dans l'église des Carmes de Ploërmel. Jean II fut vivement regretté du peuple. Il avait diminué les tailles, s'était fortement opposé au paiement des droits excessifs et s'était gardé d'entraîner ses sujets dans les guerres que se livraient perpétuellement les puissances. « Heureux, a dit un sage, heureux les peuples dont l'histoire n'est pas intéressante. » Sous le règne de Jean II vivait Saint-Yves, surnommé l'avocat des pauvres, et que le barreau regarda longtemps comme son patron. Né le 17 octobre de l'an 1253, près de Tréguier, dans la Basse-Bretagne, il fut envoyé encore jeune à Paris pour y faire sa philosophie. Il y apprit aussi la théologie et le droit canon. Après y avoir passé 10 ans, il étudia le droit civil à Orléans, où professaient alors de célèbres jurisconsultes. Puis il vint remplir une petite cure près de Tréguier, ce qui ne l'empêchait pas d'exercer la profession d'avocat par charité en faveur des veuves, des orphelins et des pauvres, dont il n'exigeait aucun salaire. Il déployait dans ses plaidoyers tant de savoir et d'éloquence qu'il charmait tous ses auditeurs. Indulgent et charitable envers les autres, il était pour lui-même d'une excessive rigidité, couchant sur la dure, se privant de vin et parfois de nourriture pour la donner à des malheureux, et se livrant aux mortifications des couvents les plus austères. Il apaisait les querelles, arrangeait les procès, réconciliait les ennemis les plus acharnés. Les juges ne l'écoutaient qu'avec respect et le consultaient souvent. Un jour, une veuve qui tenait l'hôtellerie reçut chez elle 2 hommes se disant marchands. Ils lui confièrent un sac de cuir bien scellé, contenant, assurait-il, 1200 écus d'or, et lui recommandèrent de ne le remettre à aucun des deux qu'en présence de son compagnon. À peine était-il sorti que l'un d'eux vint réclamer la sacoche. La veuve, sans réfléchir, la lui donna, et il s'en alla en l'emportant. Le soir même, l'autre camarade réclama l'argent, et, apprenant que son associé l'avait retiré, il se répandit en reproches et en injures contre l'hôtesse, et la cita par devant le lieutenant du bailli de Touraine. La pauvre femme eut recours à Saint-Yves, qui, après s'être bien fait raconter son affaire, lui promit de la plaider. Après avoir pris diverses informations, l'avocat des pauvres comparut au jour fixé avec l'hôtesse. Saint-Yves, voyant que le marchand n'avait pas hésité à faire un faux serment, s'avisa d'une ruse pour le convaincre de fourberie et le démasquer sur le champ. Il dit au juge que le sac avait été retrouvé et qu'il serait présenté quand la justice l'exigerait. En même temps, Saint-Yves pria les juges d'ordonner au demandeur de faire venir son compagnon, en présence duquel l'hôtesse exhiberait le dépôt, conformément à la première convention passée entre les deux marchands. À 3 jours de là, le second marchand fut arrêté pour un autre délit. Il avoua que le sac ne renfermait que des cailloux et fut ainsi que son associé pendu au gibet de Tours. La souveraineté de la Bretagne comptait encore des envieux, mais elle ne trouvait plus de contradicteurs, et ce fut sans la moindre contestation que le fils aîné de Jean II ceignit la couronne sous le nom d'Arthur II, duc de Bretagne, comte de Richemont. Les exécuteurs testamentaires du feu duc découvrirent 2 trésors amassés par ce prince, le premier dans la tour neuve de Nantes, le second dans le château de Sussigneaux, situé au bout de la presqu'île de Ruy. Ces trésors se composaient d'une somme de 88 534 livres en argent monnayé, de 40 marques de vaisselle d'or et de 5073 marques d'argenterie ou de lingots, sans compter les joyaux qui étaient nombreux. Ces valeurs, qui s'élèveraient de nos jours à plusieurs millions, formaient un fonds des plus riches. Cependant, elles ne suffirent pas pour solder l'arriéré du règne de Jean II. Et Arthur dut puiser dans son épargne particulière pour payer l'excédent. Le règne du nouveau souverain fut exempt de troubles. Il est vrai de dire à sa louange qu'il préféra la paix et ses modestes et solides fruits à la gloire vaine et trop souvent trompeuse qu'offre la guerre à un jeune prince. Sous son règne, le commerce fleurit, l'agriculture prospéra, et sans les subtilités de la chicane qui envahirent vers ce temps la procédure et paralysèrent dans leur germe une foule de réformes jugées nécessaires, Arthur eut pleinement joui du bonheur que sa rare prudence promettait à ses sujets et leur avait déjà assuré en partie. L'admission du tiers-état dans les assemblées de Bretagne n'était pas encore déterminée d'une manière invariable. Déjà, il est vrai, les villes s'étaient fait représenter par des mandataires auprès des ducs et dans les sessions où il s'agissait de voter les impôts. Alain Ferjan avait appelé à son conseil, à son parlement, des hommes de toutes classes et de tous rangs. Ses successeurs avaient même quelquefois imité son exemple. Mais ce n'était encore qu'une tolérance, un acte de bon vouloir de la part du maître, qui demandait à tous l'aide de leur vue, sans pourtant souffrir qu'on se crût acquis le droit de lui donner des lumières. Sous Arthur II, la position précaire du tiers-état fut fixée. Du moins, on reconnut par des formes légales le droit qu'il avait de faire partie des états généraux dans la personne de ses députés. Depuis le commencement du XIVe siècle, 1309, les mandataires des communes furent toujours admis aux états de la province. Après 7 années d'un règne trop court pour le bonheur de son peuple, Arthur mourut. Il fut vivement regretté à cause de sa bonté et de sa justice. Il avait épousé en première noce Marie, fille unique et seule héritière de Guy IV, vicomte de Limoges, morte en 1300, dont il eut Jean III, dit le bon, son successeur, Guy, comte de Penthièvre, vicomte de Limoges, et Pierre, qui mourut sans postérité. Arthur se remaria avec Yolande de Dreux, comtesse de Montfort-la-Maurie, veuve d'Alexandre III, roi d'Écosse, qui le rendit père de Jean de Montfort. Mariage si funeste à la Bretagne, comme on ne tardera pas à le voir, à cause de la contestation qui s'éleva au sujet de la succession après la mort de son fils aîné Jean III. Jean III eut d'abord de graves différends avec Yolande, sa belle-mère, qu'il haïssait ainsi que ses enfants. Se voyant lui-même sans espérance de postérité, il maria sa nièce Jeanne avec Charles de Blois, neveu de Philippe de Valois, roi de France. Jean III avait assemblé ses états et les avait conjurés de délibérer au sujet de sa succession afin de prévenir les troubles qu'elle pourrait causer. Mais les états n'ayant pu s'accorder, étaient convenus de s'en rapporter au duc lui-même. Ce fut alors que ce prince conclut le mariage de sa nièce avec Charles de Blois et le désigna pour son successeur en présence même de son frère Jean de Montfort. Charles fut dès lors regardé comme héritier du duché de Bretagne, et plusieurs barons du vivant même de Jean III lui tinrent hommage. Charles n'avait alors que 17 à 18 ans. La Bretagne semblait heureuse sous le gouvernement pacifique de Jean III. Le commerce prenait de l'extension et ses bienfaits réparaient les désastres occasionnés par de longues guerres. Le goût des lettres et le désir de l'instruction commençaient à pénétrer dans toutes les classes. Beaucoup de villes avaient des écoles publiques, mais la lumière rayonnait principalement de Paris. L'université de la capitale de la France resplendissait d'un éclat que lui enviait, en l'admirant, Rennes, Nantes, Saint-Paul-de-Léon, Quimper et Tréguier. Des collèges, destinés surtout à l'enseignement du latin, s'élevaient sous le patronage des prélats de ces divers diocèses. Des prêtres, riches et généreux, fondèrent à Paris des établissements destinés à l'éducation et à l'entretien des jeunes écoliers bretons, à qui le peu ou le manque de fortune ne permettait pas de suivre les cours de l'université. Le collège de Cornouailles fut fondé par Galleyrand, Nicolas et Jean de Guitry. Geoffroy Duplessis Balisson donna ses biens et son nom au collège Duplessis, où il établit 40 boursiers et un principal. Guillaume de Coatmohan créa celui de Tréguier, devenu plus tard le collège royal de France. Le duc Jean III ne voulut pas rester inactif spectateur de ce mouvement si remarquable des esprits. Il résolut de fixer les diverses juridictions qui tendaient à s'envahir réciproquement et de déterminer, pour le bonheur et la tranquillité de son peuple, les bases d'une administration constante et surtout équitable. Il convoqua successivement à cet effet trois parlements, à Rennes, à Ploërmel et à Quimperlé. Malheureusement, il ne put mettre la dernière main à ces importantes et si utiles réformes. Philippe de Valois venait d'inciter les grands vassaux de la couronne à l'accompagner dans une expédition contre les flamands rebelles à Louis, leur comte. Les ducs de Bretagne, de Bourgogne et de Lorraine, le roi de Navarre, les comtes d'Alençon, de Bar, de Boulogne et de Savoie se trouvèrent au rendez-vous. Jean III y était venu avec 15 bannières de chevaliers et 10 000 fantassins. Les flamands furent écrasés à Cassel. Mais plusieurs des princes alliés de Philippe de Valois furent gravement blessés. On comptait parmi eux Jean III, qui, après s'être fait transporter à Saint-Omer, y congédia la plupart de ses gens. À peine convalescent, il s'achemina vers Paris et le roi de France lui exprima en termes chaleureux sa gratitude pour les services qu'il venait d'en recevoir. Mais un des intimes conseillers de Jean lui fit entendre que, s'il s'était conduit en bon parent comme son prédécesseur, en participant sans rémunération à des entreprises aussi coûteuses, on avait à craindre de la part des monarques français l'habitude d'appeler dorénavant ses successeurs sous la bannière royale comme devoir de vassalage. Jean jugea donc convenable d'avoir une explication avec Philippe. « Jamais duc n'aura regret de m'avoir fait service, » lui répondit le monarque. « Je déclare hautement et devant tous que je ne dois celui de mon cousin de Bretagne qu'à son plein gré, mû par la proximité du sang. Pareil fait ne saurait tirer à conséquence pour ses successeurs, et grâce d'amitié ne dégénérera point en dette de service ou obligation. C'est bien le moins que je lui doive. » Philippe lui écrivit ensuite une lettre, le 3 novembre 1328, qui déclarait expressément que les ducs de Bretagne n'avaient suivi les rois en Flandre que par pure courtoisie et libéralité. Jean III perdit peu après sa troisième femme, fille unique du comte de Savoie et de Blanche de Bourgogne. La mort de ce comte éveilla un instant l'ambition du duc de Bretagne. Il réclama la souveraineté de la Savoie au nom de la duchesse, s'unit à Guigues, dauphin de Viennois, et les deux princes se promirent le loyal partage de leur conquête. Mais bientôt, cédant aux judicieuses observations que lui présentèrent les États de Savoie, il conclut un traité de paix. Cependant, la mort dévastait la famille souveraine de Bretagne. Elle frappa Guy de Penthièvre, frère puiné de Jean III, et le comte de Richemont, son oncle. Il ne resta de la nombreuse postérité d'Arthur II qu'une fille de Guy de Penthièvre, encore dans l'enfance, et le fils de la comtesse de Montfort, frère consanguin de Jean III, qui avait essayé de contester sa légitimité. Jean n'avait jamais eu d'enfant et il haïssait trop Yolande, sa belle-mère, pour appeler un de ses enfants à sa succession. Ce sentiment funeste lui fit déshériter Jean de Montfort pour donner sa fille et avec elle son duché à Charles de Blois, comme nous l'avons dit plus haut. Il ne s'attendait certes pas à tous les malheurs qu'un pareil choix allait attirer sur le pays qu'il aimait avec une si grande affection. Il expira le 30 avril 1341 et avec lui s'évanouit pour longtemps le bonheur de la Bretagne. Sa mort devint le signal de la guerre civile, du pillage, de l'incendie et du meurtre. Jean III possédait des vertus rares. Il était charitable, loyal, équitable, craignant Dieu, aimant le peuple qui le lui rendait bien et ne le nommait que le bon duc.